Eugène avait assez d'expérience du monde parisien pour savoir qu'il ne devait pas insister. Son cœur se serra étrangement quand il se vit dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à Delphine. « Vendez une parure, lui écrivit-il chez le concierge, et que votre père soit décemment conduit à sa dernière demeure. » Il cacheta ce mot et pria le concierge du baron de le remettre à Thérèse pour sa maîtresse. Mais le concierge le remit au baron de Nucingen qui le jeta dans le feu. Après avoir fait toutes ces dispositions, Eugène revint vers 3 heures à la pension bourgeoise et ne put retenir une larme quand il aperçut à cette porte bâtarde la bière, à peine couverte d'un drap noir, posée sur 2 chaises dans cette rue déserte. Un mauvais goupillon, auquel personne n'avait encore touché, trempait dans un plat de cuivre argenté plein d'eau bénite. La porte n'était même pas tendue de noir. C'était la mort des pauvres, qui n'a ni faste, ni suivant, ni ami, ni parent. Bianchon, obligé d'être à son hôpital, avait écrit un mot à Rastignac pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait avec l'église. L'interne lui mordait qu'une messe était hors de prix, qu'il fallait se contenter du service moins coûteux des vêpres, et qu'il avait envoyé Christophe avec un mot aux pompes funèbres. Au moment où Eugène achevait de lire le griffonnage de Bianchon, il vit, entre les mains de Madame Vauquet, le médaillon à cercle d'or où étaient les chevaliers de fille. « Comment avez-vous osé prendre ça ? » lui dit-il. « Pardi, fallait-il enterrer avec ? » répondit Sylvie. « C'est un or. »« Certes, » reprit Eugène avec indignation, « qu'il emporte au moins avec lui la seule chose qui puisse représenter ces deux filles. »